avec des habitudes. Même quand on sera très vieux, qu'on ne sera plus que de solitude, de chevaux fatigués, on se fera toujours tous les deux l'amour à la charité. Ou bien laisse-moi tomber, jamais ne me fais la blessure de ne plus me faire l'amour, mais la charité. Souvent la vie commune, parfois on voudrait tout quitter, derrière la porte laisser l'amertume, et dans ces moments-là, si tu reviens vers moi, dis fais-moi la. Charité.